Exercice 12, page 77. Il a toujours rêvé de visiter cette ville un jour. Les taxis jaunes et les gratte-ciel. La statue de la liberté, offerte par la France. La demande de son grand-père est comme un cadeau tombé du ciel.